magnifique siècle nous vivons, sur les terres des sept couronnes. Nos frères noirs sont bien au chaud, ils n'ont rien d'autre à faire. Un mur trop haut pour être franchi, de rien ne peut grimper. Et même si j'adore la garde, je n'y trouve pas ma place. Il arrive le long de l'été, que s'éloigne le danger. Maintenant il faut bien s'activer. L'hiver est au pied du mur, je me sens perdu sans Kulbenjin. Comment retrouver sa trace? Il manque des paroles là. L'hiver arrive, l'été s'achève dans la guerre. L'hiver arrive, bientôt le grand froid sera là. Bientôt le grand froid sera là. Ramenez les patrouilleurs du nord où ils sont en danger. Chassez les marcheurs blancs qui troublent notre tranquillité. Déblayez la neige, voici toutes nos missions. Que le feu nous réchauffe avec délectation. L'hiver arrive, l'été s'achève dans la guerre. L'hiver arrive, bientôt le grand froid sera là. L'hiver arrive, bientôt le grand froid sera là. Bientôt le grand froid sera là. Des grandes créatures hibernent sous la neige et la glace. Patiemment nous les poursuivons, doucement et avec angoisse. Nous rassemblons de la nourriture, soignons nos montures et nos recrues qui viennent du sud, nous les accueillons. L'hiver arrive, l'été s'achève dans la guerre. L'hiver arrive, bientôt le grand froid sera là. L'hiver arrive, bientôt le grand froid sera là. Bientôt le grand froid sera là. Être la main du roi, quel travail exigeant. Et avec cœur et patience, tout le monde sera content. Tournoi des pensées, ces bâtards et des plaintes par centaines. Ça demande beaucoup d'efforts pour gérer le royaume de Robert. L'hiver arrive, l'été s'achève dans la guerre. L'hiver arrive, bientôt grand froid sera là. L'hiver arrive, bientôt grand froid sera là. Bientôt le grand froid sera là. De quel chacun je connais la tâche. Quel sera mon ouvrage? Je veux aider de tout mon cœur, faire mon apprentissage. Mais comment faire à son service? C'est un travail difficile. Mais je veux prouver que je suis l'un d'eux. Je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux. L'hiver arrive, l'été s'achève dans la guerre. L'hiver arrive, bientôt le grand froid sera là. L'hiver arrive, bientôt le grand froid sera là, bientôt le grand froid sera là, bientôt le grand froid sera là.